Il y a 50 ans, en 1969, Jan Palach s'immolait par le feu pour protester contre l'occupation soviétique et la fin de la liberté d'expression en Hongrie. Neil Armstrong et Buzz Aldrin atterrissaient sur la Lune, là où la main de l'homme n'avait encore jamais mis le pied. Georges Pompidou était élu président de la République française suite à la démission du général de Gaulle. Le festival Woodstock enflammait le mois d'août aux États-Unis, tandis qu'un coup d'État militaire était perpétué au Brésil et que Samuel Beckett remportait le prix Nobel de littérature. Comment ces événements ont-ils été pensés, conceptualisés, nourris et peut-être même influencés par les philosophes du monde entier? Pourquoi l'année 69 a-t-elle été une si bonne année philosophique? Comment vous sentez-vous? Bien? D'attaque? Allez, on y va, allez hop! Française, français. Et maintenant, je vous dis tout! Non! La ferme! Si je suis désavoué... Je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Paf ! 60. À Washington, les cérémonies d'investiture du président Richard Nixon seront... Rien de neuf, la délégation Viet Cong a répété qu'elle entendra être considérée comme une entité distincte de Hanoï. Voilà, Merckx qui passe ici devant nous, top, je décoche le chronomètre, oh là là, cette dernière rampe est très difficile, Merckx premier. Monsieur Georges Pompidou, qui effectue actuellement un voyage à Rome, a dit clairement qu'il serait candidat à la présidence de la République si le général de Gaulle venait à se retirer. Oui, une pause est nécessaire. Aussi Tintin, Tournesol et Milou regagnent-ils la fusée avec un certain plaisir. Vous avez un cheval pour moi? Vive la République! J'en vois deux qui ne sont à personne. Vive la France! Je lui ai tout dit! Quoi, vous avez fait ça? Je lui ai tout dit! Bonjour François Doss. Bonjour. Quand on entend en 1 minute 30 un résumé de l'année 69 proposé par notre réalisateur Thomas Beau, ça donne presque envie d'y retourner, non? Bah, vous me donnez un coup de jeune, hein, parce que j'ai 69 ans. Donc, c'est dire que c'est ma jeunesse. Ça veut dire Et effectivement, par rapport à sa jeunesse, on ne peut être que nostalgique, tout en évitant à tout prix toute forme de nostalgie sociale et politique. Est-ce pour ça que vous avez choisi de travailler sur cette période? Entre autres, hein, on vous doit, parce que vous êtes historien spécialiste de l'histoire intellectuelle, vous enseignez à l'Université Paris-Est-Créteil et à Sciences Po, vous êtes chercheur à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, l'IHTP, et on vous doit des sagas, enfin en deux volumes, une saga des intellectuels français, la première de 44 à 89, et une de 68 à 89, pardon. C'est pour ça? C'est par nostalgie? Ah non, pas du tout. C'est pas par nostalgie, c'est pour étudier le... c'est à partir effectivement d'une certaine espérance née en 68 et comment cette espérance est déconstruite au fil du temps, voyant un peu les scansions qui ont fait basculer notre régime d'historicité et créé une situation où le futur est de plus en plus opaque, mais en essayant d'éviter justement un regard de retour sur le passé, de retour nostalgique. À mon avis, ce n'est pas... Il faut toujours s'évertuer à regarder devant et l'avenir. Et c'est pour réouvrir les portes de l'avenir que j'ai fait ce retour sur ce passé intellectuel pour voir sa fécondité, parce qu'on va en parler, c'est un moment très fécond, mais aussi ses apories, mais aussi ses impasses. Donc l'historien n'est pas celui qui explore le passé simplement, mais c'est celui qui ouvre les portes de l'avenir. Absolument. L'historien est celui qui dialectise le rapport passé-présent-avenir en essayant de sortir et de la nostalgie passéiste et du présentisme. L'année 1969, en quoi est-elle particulièrement emblématique du rôle des intellectuels dans les années 60? Elle est très emblématique parce que vous allez avoir un basculement de paradigme qui vient évidemment de 68. Hein. On va parler de 69, mais 69 est le résultat de la contestation paroxystique en France de mai-juin 68, mais qu'il faut aussi reconstituer dans un contexte international. C'est un mouvement de contestation internationale qui a démarré dans le milieu des années 60. Ce qui se passe, c'est que avant 68, ce qui dominait la scène intellectuelle et toute la recherche, les philosophes et les sciences humaines, c'était ce qu'on appelle le structuralisme, terme qui est devenu un petit peu abstrait pour la jeune génération et qui à l'époque était Sésame, le qui ouvrait toutes les portes, c'est-à-dire que tout le monde était structuraliste, c'était, disait Foucault, le regard de la modernité, et donc effectivement, il y a là quelque chose de très paradoxal, parce que 68 a mis en crise ce paradigme. Pourquoi ? Parce que 68, c'est un événement. On y reviendra. C'est quelque chose qui était imprévisible. Vianson-Pontet disait quelques mois avant que la France s'ennuyait. Donc il a été démenti par les événements. Et c'est la revanche, je dirais, de ceux qui rasaient les murs dans le paradigme structuraliste, c'est des historiens de l'histoire. L'histoire était incapable d'expliquer le monde pour les disciplines qui portaient ce paradigme. Alors, quelles sont ces disciplines qui étaient montantes dans les années 60, mais qui étaient barrées par l'académisme de la Sorbonne? C'est ce qu'on appelait les sciences sociales un peu modernes, c'est-à-dire la linguistique saussurienne, c'est-à-dire la psychanalyse lacanienne, c'est-à-dire l'anthropologie lévi-straussienne, qui n'avait pas droit de citer véritablement à l'université. Et donc, le coup d'éclat de 68 a permis l'institutionnalisation de ces disciplines qui ont gagné la partie. La meilleure preuve, c'est bien sûr la création du centre expérimental de Vincennes en plein bois. Il n'y a même pas de plaque tombale aujourd'hui, tant le milieu a été effervescent. C'était un abcès de fixation du gauchisme post-68. Mais c'était aussi la volonté de faire un petit Harvard et donc d'une université hyper moderne. Et je dois beaucoup à 68 et à Vincennes, puisque j'y ai fait mes études. Et j'ai fait la rentrée universitaire de ce centre qui naissait, qui sortait de terre. C'était des sièges Knoll, c'était la moquette dans les amphis, c'était le luxe. Bon, évidemment, ça s'est paupérisé très vite. Mais c'est pour vous dire que 68 a permis l'institutionnalisation de ces disciplines. Et en même temps, 68 a été une mise en crise de ce paradigme. Et d'ailleurs, quand on voit ce que je raconte dans la saga des intellectuels, comment les grands maîtres penseurs de l'époque ont traversé 68, à part Foucault qui était à Sidi Bou Saïd, les autres ont passé un très mauvais moment. Très mauvais moment, Lévi-Strauss dit, moi je me suis retiré dans mon laboratoire, Barthes et Grémas n'ont pas eu le droit à la parole, il y avait l'affiche, les structures ne descendent pas dans la rue, Barthes non plus, enfin, donc voilà, ils ont passé un très mauvais moment. Et effectivement, le structuralisme étant une pensée de la synchronie, du systémique, vous avez là, en 68, la diachronie, la différence au sens déridien du terme. Avec un A. Alors, on va passer l'heure qui suit, François Doss, à écouter les voix des intellectuels qui étaient présents à ce moment-là. Foucault, Sartre, Deleuze, Guattari, Aron, Pierre Nora, et encore, je ne les cite pas tous. Nous, on va passer la semaine à explorer l'année philosophique en 1969. Mais avant de rentrer dans le bain, voici la voix d'un contemporain, de votre contemporain, François Doss. Il a écrit un livre qui s'appelle 1969, année fatidique. Il s'appelle Brice Couturier. Le voici. J'ai fait ce bouquin sur 1969 parce que j'étais exaspéré de la sortie d'une litanie de livres consacrés à 68. Il y a toute une clientèle, si vous voulez, d'un demi-intellectuel qui rêve de recommencer la nuit des barricades. Je suis désolé, moi j'ai connu les barricades, j'ai fait 68, c'était pas du tout ce qu'on nous en dit aujourd'hui. Et surtout, ça s'est terminé par un échec politique total, écrasant, général. Le 68 du socialisme à visage humain de Prague a été écrasé par les chars russes. Le 68 des étudiants français a donné lieu à l'élection de la chambre la plus à droite de toute l'histoire de la Ve République. Et puis je parle beaucoup du mars 68 des étudiants polonais qui ont essayé eux aussi de se soulever contre le régime communiste et d'installer une espèce de socialisme à visage humain à l'image de la Pologne. Là aussi ça a été écrasé, les mecs ont été mis en prison. Enfin bref, on nous fait toute une histoire de 68. En fait, 68, c'est un échec. Et 69, c'est l'année où les échecs de 68 trouvent leur retentissement réel. C'est-à-dire que c'est le moment où on fait une purge antisémite dans le Parti communiste polonais. Un truc incroyable, on n'avait jamais vu les communistes faire une purge antisémite quand même, même en Pologne. C'est en 69, c'est le moment où les féministes et les homosexuels quittent les mouvements gauchistes en disant qu'ils y sont très maltraités et ils ont de bonnes raisons de le penser. Bref, c'est le moment où les mouvements de contestation des 60s éclatent. Pensez-vous, François Doss, comme l'a affirmé Brice Couturier, que si l'année 69 est si intéressante et si féconde intellectuellement, c'est parce que c'est l'année où l'on mesure les conséquences intellectuelles des échecs de 68? Mon constat n'est pas du tout celui de Brice Couturier, dans la mesure où je ne pense pas à, évidemment tout dépend de la manière dont on analyse, mais comme il le dit justement, il y a pléthore d'analyses et de réflexions et d'interprétations de mai 68. Et là je dirais que on ne peut clore à aucun moment le sens d'un événement, et je dirais là ce que Michel de Certeau écrivait dès juin 68 dans Études, ce qui était repris dans un livre qui s'appelle 68, la prise de parole. 68 est une prise de parole, et 68, Certeau disait, l'événement est ce qu'il devient. Donc il est consubstantiel de toutes les lectures, de toutes les interprétations, de toutes les appropriations de l'événement lui-même. Pour moi, c'est pas du tout un échec. Je veux dire, le fait que quand on pense, je sais pas moi, aux femmes, qui sont quand même une bonne partie de la société française, elles doivent beaucoup à 68. Et le mouvement féministe, le planning familial, les batailles pour l'IVG, elles partent de là. Alors vous me direz, elles partent aussi du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, etc. Mais il y a une accélération fantastique à partir de 68. La société n'est plus la même. Le rapport enseignant-enseigné n'est plus le même. Il y a là des... Oui, on disait, c'est un terme ancien, les acquis de 68, mais réellement, la société a changé complètement. Et c'est là où le discours qui consiste à dire c'est l'échec sur tous les plans. Non, je pense que si certains, effectivement, voulaient construire, je veux dire, le langage qui était employé en 68, qui était un langage pour beaucoup de groupuscules trotskistes, maoïstes, etc. Oui, là, c'est l'échec d'un projet qui mène dans le mur. Ça, c'est vrai. Là-dessus, il a raison sur une certaine doxa marxiste-léniniste, qu'elle soit trotskiste ou maoïste. Mais sur le plan de ce qui s'est exprimé en 68... Non, c'est un grand succès. Alors, comment, en tant qu'intellectuel, c'est les personnes qui sont actives à ce moment-là peuvent intervenir ou juger ce qui est en train de se passer? On peut distinguer quasiment deux camps. D'un côté, il y aurait Sartre, qui lui va soutenir ouvertement la jeunesse de mai 68. De l'autre, il y aurait Raymond Aron, qui lui diagnostique ce qui est en train de se passer comme faisant partie d'une structure beaucoup plus large, qui est en fait une insatisfaction permanente de la société. J'essaye d'expliquer dans ce livre pourquoi la société moderne est insatisfaite en permanence. La raison fondamentale étant que la société moderne a des projets qui sont en tant que tels contradictoires et irréalisables. Par exemple, la société moderne a un projet démocratique égalitaire. Mais d'un autre côté, elle a aussi un projet productiviste. Or, le productivisme implique organisation, discipline, hiérarchie, ce qui est contradictoire avec l'aspiration égalitaire qui fonde en même temps la société moderne. Autre exemple, du moment que vous voulez un ordre démocratique, il faut la compétition. Un des aspects typiques des révoltes d'étudiants, ce sont les révoltes contre les examens. Or, je veux bien dire que les examens sont mal organisés, qu'ils sont excessifs, etc., etc. Mais finalement, le refus des examens, c'est le refus de la compétition qui est liée à la démocratie elle-même. Et aucune des sociétés modernes n'évite la compétition. Comme vous le savez, une des sociétés les plus féroces à cet égard, c'est la société soviétique, où le nombre des étudiants dans les universités est strictement limité, et où ceux qui sont étudiants se considèrent comme des privilégiés. Le livre dont parle Raymond Aron, c'est Les désillusions du progrès, qui paraît précisément en 69. A-t-on raison d'opposer de manière aussi manichéenne François Doss, un Sartre d'un côté et Aron de l'autre? Alors, ils se sont opposés très violemment, les petits camarades, comme on les appelle, puisque ils ont été très amis, on n'a pas le temps de le dire, mais il y a toute une histoire de leur relation avec une rupture qui d'ailleurs nous ramène à 69, c'est une rupture sur De Gaulle, elle date de 47, hein. Il faut rappeler quand même que Aron était au début des temps modernes, hein, dans l'équipe Sartre-Beauvoir, et puis la guerre froide, le RPF, et tout de suite, Aron prend parti pour le général de Gaulle et pour le RPF. Alors qu'il n'est pas gaulliste pur sucre, hein. Et ensuite, évidemment, ils vont occuper deux pôles diamétralement opposés. Alors en 68, c'est un moment paroxystique de leur opposition, puisque Aaron, là, ce qu'on a entendu, c'est le Aaron de la fin de l'année, un Aaron plus posé, plus réfléchi. 23 juin 69, là, en tout cas dans l'archive. Donc, oui, oui. Mais déjà, c'est passé. On est déjà dans le reflux. Donc, il fait une liaison entre la révolte et la prospérité. Il dit que la prospérité économique, le productivisme, laisse des laissés pour compte, des déshérités, des gens qui n'en bénéficient pas. Et donc la prospérité alimente la révolte. Et il fait un lien organique entre les deux pour comprendre ce qui s'est passé. Mais je pense au Aaron du mois de mai, il est en Angleterre, il précipite, il abandonne tout son programme de conférences, il précipite son retour à Paris. On est le 20 mai, on est en pleine crise, on est avant même la première intervention du 24 mai du général de Gaulle, et il intervient pour se battre contre ce mouvement dans le Figaro, hein, dans ses chroniques du Figaro. Et là, si vous voulez, c'est un Aaron qui va le faire contre ce mouvement. Hein. Il écrit que c'est l'éruption des barbares, hein, inconscients de leur barbarie. Donc il y a là une opposition frontale. Il parle de farce, hein, d'une espèce de canular farcesque, mais très dangereux. Et il assimile en plus la révolte étudiante à une analyse comportementaliste donnant les rats comme base, en disant que si les rats vous les mettez dans un petit espace, eh bien, ils deviennent fous. Hein, il y a une pathologie. C'est à lui que l'on doit l'expression de révolution introuvable. Voilà, alors expression et livre. C'est-à-dire que il va reprendre ses chroniques dans un livre qui s'appelle La Révolution introuvable et qui est un opuscule, évidemment, on ne peut plus anti-68. Bon, puisque c'est pathologique, c'est le délire dans la rue et donc c'est le danger pour la raison et évidemment la société en place. Alors, au contraire, Sartre, j'ai dit que le structuralisme montait dans les fins des années 60. Eh bien, au fur et à mesure qu'il monte, Sartre descend. C'est-à-dire que Sartre, qui incarne l'existentialisme, la pensée du sujet, du cogito, de la liberté, qui s'arrache de la société, qui a incarné la philosophie de 45, hein, avec l'existentialisme, petit à petit, la pensée de la structure se substitue à la pensée du sujet. Et Foucault de Dire, à Lecture pour tous en 66, Sartre est un grand philosophe du 19e siècle. Bon, donc il l'enterre. Il est enterré. Et Sartre renaît de ses cendres, tel le phénix en 68, le seul intellectuel qui est écouté à la Sorbonne, et ils sont obligés de mettre des haut-parleurs dans la rue, etc., tellement il y a de monde pour venir l'écouter, c'est Sartre. Hein. Sartre écoute Cohn-Bendit, grand entretien dans le Nouvel Observateur, où Sartre en fait est à l'écoute de Cohn-Bendit. Donc Sartre est en phase complètement avec ce mouvement, au point d'ailleurs que ensuite il deviendra, pour aider ses amis maoïstes, le directeur de La Cause du Peuple, et Journal Interdit. Et Sartre va être même très violent par rapport à Aaron, à son petit camarade, puisqu'il écrira dans le Nouvel Observateur, je vous le cite, « Il faut maintenant que la France entière a vu De Gaulle nu, que les étudiants puissent regarder Raymond Aaron tout nu. On ne lui rendra ses vêtements que s'il accepte la contestation. » Ça lui vaut d'ailleurs mais justement, oui, quelques lettres de protestation. Dans quelle mesure est-ce que Sartre lui-même, puisque vous avez bien dit à quel point il avait été enterré par Foucault, par d'autres, etc., ne se sert-il pas de cet événement pour revenir sur le devant de la scène? Je ne pense pas que ce soit de conviction politique ou stratégie. C'est pas de la stratégie personnelle. Non, je crois que ce qu'il thématise sur dans sa philosophie entre l'existence en soi et l'existence pour soi et les groupes en fusion, il a reconnu là, et certains d'ailleurs des contestataires ont reconnu dans la philosophie sartrienne, une philosophie qui les légitimait dans le caractère fusionnel et de l'arrachement au présent pour construire une société future. Mais outre qu'il est encore dans un bain très marxiste. Au fond, si la question est de savoir est-ce que l'intellectuel doit s'engager ou non, Aron s'engage à sa façon, il est contre, ah mais bah il oui. s'exprime. Ah bah il est aussi engagé, c'est pas le spectateur désengagé du tout, il le dit d'ailleurs, spectateur engagé, bien sûr. C'est le titre encore de ça, dans cette troisième livre. Il y a un autre type d'intellectuel, enfin vous avez déjà évoqué son nom, c'est Michel Foucault. Alors là, on va explorer un instant la production même, on va aller rentrer dans la production philosophique, puisqu'en 69 paraît l'archéologie du savoir. On va entendre Michel Foucault qui explique le choix du terme archéologie, et puis ensuite un extrait de ce texte qui fait la différence entre document et monument. Et vous nous direz ensuite, François Deuss, en quoi le contenu même de ce livre est symptomatique de cette année. Archéologie, c'est évidemment un vilain mot. Vilain parce que peut-être il manque un peu d'élégance, et puis ensuite, surtout, il est inélégant de ma part de l'avoir volé aux vrais archéologues. Par archéologie, je ne pensais pas tellement à cette fouille dans la terre, à ce grattage des vieux os du passé. Par archéologie, j'entends plutôt, enfin, je voudrais entendre quelque chose comme la description de l'archive. L'histoire, dans sa forme traditionnelle, entreprenait de mémoriser les monuments du passé, de les transformer en documents et de faire parler ces traces qui, par elles-mêmes, souvent ne sont point verbales ou disent en silence autre chose que ce qu'elles disent. De nos jours, l'histoire, c'est ce qui transforme les documents en monuments et qui, là où on déchiffrait des traces laissées par les hommes, là où on essayait de reconnaître en creux ce qu'ils avaient été, déploie une masse d'éléments qu'il s'agit d'isoler, de grouper, de rendre pertinents, de mettre en relation, de constituer en ensemble. Il était un temps où l'archéologie, comme discipline des monuments muets, des traces inertes, des objets sans contexte et des choses laissées par le passé, tendait à l'histoire et ne prenait sens que par la restitution d'un discours historique. On pourrait dire, en jouant un peu sur les mots, que l'histoire, de nos jours, tend à l'archéologie, à la description intrinsèque du monument. Michel Foucault et François Deuss sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de l'année 1969 et ses répercussions philosophiques toute cette semaine. Aujourd'hui, premier temps, l'année 69 en France. Les révolutions ne sont pas toujours là où on les attend. En fait, ce que Foucault formule dans ce texte n'est rien de moins qu'une nouvelle méthode d'investigation en histoire. Oui, c'est assez étonnant parce que si on voit ce qu'étaient les mots et les choses en 66, l'histoire n'avait aucun statut, aucune légitimité, au point que le concept clé qu'il va abandonner dans l'archéologie du savoir, mais qui était central dans les mots les choses en 66, c'est le concept d'un gros mot, mais on est au chemin de la philosophie. On aime bien les gros mots. Oui. Voilà, l'épistémé. Hein. Or, qu'est-ce que ça veut dire par contre, définition des gros mots? L'épistémé, donc on a là, c'est défini par c'est un peu la koiné d'une époque, c'est un peu l'épistémé pour Foucault, c'est un système de représentation qui est transversal, transdisciplinaire et qui définit une époque. Et pour lui, il y a, ce qu'il décrit dans les mots les choses, des basculements énigmatiques où on passe d'un épistémé à un autre. Bon. Alors, ce qui permet ensuite, quand on est dans l'épistémé nouveau, d'une lecture synchronique de la chose et donc d'éviter l'historisation. Bon, alors ce concept qui va bien au structuralisme et les mots et les choses est un ouvrage éminemment structuraliste qui essaie de faire justement cette synthèse au milieu des années 60 entre les différents défis des sciences humaines et de le faire au plan philosophique. Foucault, là encore, et c'est ce qui est très intéressant avec l'archéologie du savoir, ses positions vont être déplacées par 68. Au point d'ailleurs qu'il dira plus tard, mais j'ai jamais été structuraliste. Alors, il écrit factuellement l'archéologie du savoir à Sidi Bou Saïd, un lieu plutôt agréable, en l'été 68. Et en fait, c'est une réponse au cercle d'épistémologie de la rue d'Ulm, hein, aux normaliens qui sont marxistes, pour beaucoup léninistes, lacaniens, et qui lui ont posé un certain nombre de questions qui ne se reconnaissent pas dans les mots et les choses, parce que il y a le volontarisme politique et historique chez eux qui les amène vers la révolution culturelle. Et donc Foucault n'adhère pas à la révolution culturelle, mais il va historiser son regard et il va se tourner vers quelque chose qui n'était pas non plus dans les mots et les choses, c'est les pratiques discursives. Pas seulement le discours, au sens lecture de la, des règles de la langue, mais des pratiques discursives. Comment le savoir-pouvoir, ce qu'il déploiera plus tard, avec la prison et autres, se déploie et peut s'expliquer. Et là, effectivement, il est dans un moment qui augure d'ailleurs l'évolution des sciences humaines après, qui est le fameux tournant descriptif dont il parle. Tournant descriptif et tournant historique. Alors, là, c'est très étonnant parce que si vous lisez les premières pages, déjà le terme archéologie le dit dès le départ, c'est-à-dire que le terme est un terme quand même avoisinant de l'histoire. C'est pas l'histoire classique, bien sûr, c'est pas non plus l'archéologie des archéologues, mais c'est un terme dont il dit qu'il est vilain parce qu'il sort des disciplines de l'affairement. Vous avez là un terme, évidemment, qui n'est pas sans faire penser à l'histoire. Et incontestablement, et Emmanuel Leroy Ladurie l'a dit, la meilleure définition théorique de ce que est en train de faire la nouvelle histoire, vous la lisez dans le début de l'archéologie du savoir. C'est-à-dire que cette conjonction qui va se faire entre Foucault et les historiens nombreux, vous avez encore un historien comme aujourd'hui, qui était très très jeune, Philippe Artière, qui s'est occupé du centre Foucault, des historiennes comme Michel Perrault, Arlette Farge, vont travailler sur l'archive avec Foucault. Et par ailleurs, Pierre Nora, quand il va lancer sa bibliothèque des histoires et non pas de l'histoire, en 71, c'est sur la base des positions théoriques explicitées dans l'archéologie du savoir par Foucault. C'est-à-dire que Foucault se fait le chantre, le représentant d'une histoire qu'il appelle une histoire générale. Bon, alors vous me direz, c'est pas loin de l'histoire totale de, je sais pas quoi, de Braudel ou de Marc Bloch ou Lucien Febvre. Non, l'histoire générale, c'est un espace de dispersion. C'est-à-dire, c'est disperser les objets et les décrire. Il y a quelque chose d'insolent de la part de Foucault à écrire ça en 69. C'est une manière de tourner complètement le dos à ce qui vient de se passer. C'est une manière de tourner le dos et en même temps de déconstruire une discipline établie qui est Clio et de la déconstruire de manière nietzschéenne. Foucault a toujours dit « moi je suis nietzschéen, point barre ». Effectivement, il déconstruit ce qui, à l'époque, c'était mon premier bouquin, « L'histoire en miettes », c'était mon axe critique, de défendre, à l'époque je ne défendrai plus aujourd'hui, l'histoire que je considérais comme une discipline totale, et totalissante, synthétique, la revue de synthèse historique. Eh bien, non, il dit l'histoire, c'est au contraire une dispersion d'éléments qu'il faut effectivement décrire. Et en interrogeant l'archive, en interrogeant le document comme monument. Et c'est la première fois que l'histoire rentre à ce point dans le domaine de la philosophie. Alors, non, elle rentre pas vraiment dans le domaine de la philosophie. C'est la philosophie qui vient au domaine de l'histoire. C'est l'historien qui parle. Et laquelle histoire? Non, pas d'un point de vue, parce que vous avez là, l'âge triomphant, pas tout, 69. 69, c'est aussi le moment où Braudel passe la main. Il dirigeait les Annales, héritier de Lucien Febvre, jusqu'en 69. En 69 arrive de jeunes historiens qui sont aujourd'hui âgés ou qui ont disparu, comme Jacques Le Goff, Jacques Revel, André Burguière, Emmanuel Leroy Ladurie, bon, et toute une équipe qui vont diriger la revue et qui vont assurer, dans les années 70, le triomphe des Annales, le triomphe de ce qu'on appelle la nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire sur une base déconstructive, un petit peu sur une base foucaldienne d'histoire générale. À l'inverse, presque, parce que sur le sujet, peu de choses les rassemblent. 1969, c'est aussi l'année de la rencontre entre Félix Guattari, dont on parlait jeudi dernier, figurez-vous, et Gilles Deleuze. Pour Félix Guattari, que vous allez entendre dans un instant, la véritable revendication en fait des étudiants en 68, c'est pas tellement une revendication sociale, c'est pas tellement une revendication même politique, c'est une revendication de désir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous voulez, la revendication, c'est plus seulement le pain, l'appel à la liberté, c'est aussi, comme on l'a vu en mai, l'imagination, d'autres types de rapports humains, une prise en considération du désir réel des gens, et puis même du désir, je dirais, dans son ambivalence, parce que le désir, encore, il n'est pas forcément humain. Quand on analyse psychanalytiquement les pulsions sexuelles, ben c'est pas tout rose, c'est souvent il y a un tas de choses, quoi. C'est pas tout blanc ou tout noir. L'ambivalence, elle existe pas seulement chez les enfants. Freud disait de l'enfant que c'était un pervers polymorphe, mais en fin de compte, partout où il y a du désir, il y a cette polymorphie du désir. Alors cette force du désir, donc pour nous, elle n'est pas dans l'imaginaire, elle n'est pas plus dans le symbolique. C'est une force de production effectivement réelle dans le réel. Donc, on cherche une détermination du désir et de sa puissance qui dépasse, ou qui soit d'un autre ordre, que celui de l'imaginaire et que celui des structures. C'est là que c'est essentiel pour nous, d'assigner cette force du désir comme étant l'élément machinique, qui n'est pas du tout extérieur au désir. Chaque fois qu'on parle de production de désir, ça veut dire machine désirante. Les chemins de la philosophie, France Culture. Adèle Van Rett. Et voilà comment on assiste à la naissance d'un concept, hein, celui de machine désirante, proposé par Félix Guattari et Gilles Deleuze. Je vous vois sourire à chaque fois qu'on entend ces archives. François Deux, c'est un plaisir pour vous d'entendre toutes ces voix, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. Une gourmandise de votre oreille. Plaisir, absolument. Absolument. D'autant que votre choix est tout à fait excellent, parce que on a là ce sur quoi s'est fait cette grande rencontre intellectuelle entre Gilles Deleuze et Félix Guattari, entre une certaine psychanalyse, hein, celle de Laborde, et puis la philosophie vitaliste d'un Deleuze. Et là, là encore, on retrouve évidemment 69 comme date clé et 68 pour expliquer une rencontre qui n'aurait pas eu lieu sans mai 68, puisque la rencontre s'est faite de la manière suivante. Guattari travaillait à la clinique de Laborde, qui effectivement était un haut lieu de non seulement de la psychothérapie institutionnelle, Tostakaïès, etc., mais aussi de la révolution permanente dans l'institution, puisqu'il considérait, dans ce milieu très contestataire, que les soignants devaient être soignés au même titre que les patients. Donc voilà, c'est une institution qui se remettait sans arrêt en cause, en question. Y compris en tant qu'institution d'ailleurs. Voilà. On en a parlé jeudi dernier, figurez-vous. Dirigé par Jean Houry et Félix Guattari. Jusqu'à un moment, alors mon enquête, quand j'ai fait ma biographie croisée des deux, j'ai découvert, je ne savais absolument pas qu'il existait, un psychiatre qui habite dans le sud de la France, qui s'appelle Jean-Pierre Muyard, et qui était à Laborde. Il travaillait à Laborde, et il était déjà en lien avec Deleuze, qui, Deleuze, s'interrogeait sur le discours des schizophrènes. De toute façon, Deleuze n'aurait jamais mis les pieds à Laborde. Il est phobique, il ne peut pas voir des gens qui ont des problèmes psychiques. Mais il s'y intéresse sur le plan de l'écriture. Artaud, etc. Il s'interroge et donc il veut savoir d'un spécialiste, Muyard, comment ça fonctionne, le schizophrène, etc. Et ils ont commencé un dialogue. Et Muyard se dit comment mettre en relation, comment finalement se débarrasser à Laborde de mon ami Guattari, parce qu'il est trop agité. Il est trop agité, il fait 3 groupes par jour, il faut le calmer un peu. Il se dit, j'ai un bon traitement possible, c'est pas la rétaline, c'est je vais le mettre entre les mains de Deleuze. Et donc, il dit à Deleuze, voilà, il faut absolument que vous rencontriez Guattari. Et la rencontre se fait en 69. Or, alors au début, il commence à s'établir un dialogue à trois, une discussion à trois sur la question de la schizophrénie. Et puis ensuite, Jean-Pierre Muillard m'a dit, tel Méphisto, je les ai laissés dialoguer et je me suis retiré. Bon. Alors, la rencontre se fait en fait sur un texte qui est une renvoi à machine, qui est un texte que a écrit Félix Guattari, qui à l'époque était dans l'école freudienne de Paris, l'école lacanienne, et mais très mécontent de l'orientation vers l'hématème, vers le formalisme de Lacan, et orientation très très structurale et très logicienne. Et Guattari, à juste titre d'ailleurs, il dit bah, la psychanalyse, ça touche quand même les affects. Ça touche quand même bon des choses qui bougent, le vécu, le désir. Et donc il fait un texte à l'école freudienne qui s'appelle Machine et structure. Machine et structure, ça veut dire qu'on ne va pas se contenter de la structure, mais qu'il faut intégrer le rapport de la structure avec la machine et ensuite ils diront la machine désirante, le désir. Et évidemment, il insuffle là par la machine, des flux, des mouvements, des process, des bifurcations, des disruptions, dirions-nous aujourd'hui, et il crée du mouvement dans la structure. Et évidemment, là, il a d'ailleurs une étape d'avance en 69 par rapport à Deleuze, non pas sur le plan de l'œuvre, puisque Deleuze a déjà une grande partie de son œuvre, il vient de soutenir sa thèse « Différence et répétition » en 69, il vient de sortir « Logique du sens » en 69, texte cité par Guattari dans son texte « Machine et structure ». Donc, ils sont à l'écoute l'un à l'autre, et surtout Deleuze qui se dit « Mais ce type-là a 50 idées à la minute, il n'a jamais rien écrit ». Et donc, il dit à Guattari « Écoutez, voilà, vous allez vous établir là, votre bureau, avec vos livres, et je veux recevoir votre prose à l'état brut. Hein, à l'état brut, mais je veux tous les jours. » Donc, ils mettent en place ce qu'on peut appeler un agencement collectif d'énonciation, c'est comme ça qu'il définit, où Guattari n'a plus le temps de manger, alors que c'était un chef de bande, il n'avait trouvé jamais une minute pour écrire, et il écrit toute la journée, il l'envoie à des textes qui sont d'ailleurs publiés, les textes qui ont servi à l'anti-Oedipe. Et ils vont réaliser, de 69 à 72, ce livre qui est tout à fait particulier, cet aérolithe qui va être l'anti-Oedipe, capitalisme et schizophrénie. Dont Foucault dira que c'est le seul livre de philosophie vraiment éthique, dit-il. Exactement, Foucault le célébrera, enfin en fait il n'aimait pas du tout ce livre, mais il le célébrera dans la traduction américaine de 77, oui. Il faut qu'on avance, François Doss. Malheureusement, oui. Il nous reste 13 minutes et on a encore deux, au moins deux grandes étapes à arpenter ensemble pour faire le tour de cette année 69. On va quitter la France un instant pour aller à Prague. On va écouter un extrait du texte de Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être. Est-ce que vous voulez nous dire deux mots sur le contexte avant qu'on entende le texte, peut-être, François Doss? Non, allez-y. Alors, on l'écoute. Tous les crimes passés de l'Empire russe ont été perpétrés à l'abri d'une pénombre discrète. La déportation d'un demi-million de Lituaniens, l'assassinat de centaines de milliers de Polonais, la liquidation des Tatars de Crimée, tout cela est resté dans la mémoire sans preuve photographique, donc comme une chose indémontrable que l'on fera tôt ou tard passer pour une mystification. Les photographes et les caméramans tchèques comprirent l'occasion qui leur était donnée de faire la seule chose qu'on pouvait encore faire. Préserver pour l'avenir lointain l'image du viol. Teresa prit des photos sur des centaines de pellicules. Elle en distribua à peu près la moitié à des journalistes étrangers sous forme de rouleaux à développer. De quel pays êtes-vous ? D'Hollande. Prenez ça. La frontière était toujours ouverte. Les journalistes arrivaient de l'étranger, au moins pour un aller et retour, et ils acceptaient avec reconnaissance le moindre document. Faites-les publier, s'il vous plaît. Beaucoup de ces photos parurent à l'étranger dans les journaux les plus divers. On y voyait des tanks, des points menaçants, des immeubles endommagés, des morts recouverts d'un drapeau tricolore ensanglanté, des jeunes gens à moto qui tournaient à toute vitesse autour des chars en agitant des drapeaux tchèques au bout de longues perches, et de très jeunes filles vêtues de mini-jupes incroyablement courtes qui provoquait les malheureux soldats russes sexuellement affamés en embrassant sous leurs yeux des passants inconnus. L'invasion russe, répétons-le, n'a pas été seulement une tragédie. Ce fut aussi une fête de la haine. Celle dont personne ne comprendra jamais l'étrange euphorie. Pourquoi prendre des photos au moment où les chars russes entrent en ville lors du printemps de Prague? C'est la question que soulève ce texte, que soulève Kundera dans ce texte qui a été écrit en 1984, donc bien après ce qu'on a appelé le printemps de Prague. François Deuss, peut-être pour comprendre l'importance de cet événement et surtout ses effets jusqu'en France et chez les philosophes français, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots, enfin peut-être contextualiser les choses, printemps de Prague? Oui, bah, écoutez, oui, pour moi, ça m'envoie un souvenir. Il se trouve que j'étais à Prague quand les chars russes sont arrivés en août 68. Donc, c'est évidemment des souvenirs qui sont cruels et chers. Il y a eu effectivement une lueur d'espérance dans ce qu'on a appelé le printemps de Prague autour d'Alexandre Dubček, qui effectivement faisait une espèce de révolution d'en haut. Un petit peu comme plus tard Gorbatchev à Moscou, d'en haut, c'est-à-dire qu'il a libéralisé le système, il a accepté la liberté d'expression, des revues culturelles, intellectuelles, comme celles d'Antonin Lim, sont apparues, et donc une liberté d'expression, une mobilisation de la jeunesse, une espérance de sortir de ce qu'on appelait à l'époque le socialisme à visage humain. Bon. Et puis ce socialisme à visage humain, 21 août 68, les chars du pacte de Varsovie, c'est-à-dire essentiellement soviétiques, ont envahi Prague, la Tchécoslovaquie, et ont brisé cette tentative, ont très vite normalisé le pays avec Hussac. Et là, ça a eu des effets, évidemment, c'est une autre scansion forte du désarroi de tous ceux qui espéraient du côté de l'Est. Là, ils ont vu que c'était absolument impossible. Alors, la position du Parti communiste français a été au départ de désapprouver, le terme est faible, cette intervention, puis de soutenir la normalisation, au point que, par exemple, un certain nombre d'intellectuels, je pense à Paul Noirot, qui dirigeait une revue mensuelle du Parti communiste, sous la haute direction de Jacques Duclos, Paul Noirot, qui dirigeait donc Démocratie Nouvelle, et qui était prêt à faire un numéro sur la Tchécoslovaquie, sur cet espoir du printemps de Prague, a vu sa revue interdite par la direction du Parti communiste. D'où la création, par exemple, de la revue Politique Aujourd'hui, qui donnera plus tard Politique Hebdo, et qui regroupe des socialistes de gauche, des anciens communistes en rupture de banc, des chrétiens progressistes comme Philippe Roqueplot ou Michel de Certeau. Enfin, toute une configuration de gens qui poursuivent la critique, mais en critiquant ce que Aragon appellera à propos de cet écrasement de Prague, un Biafra de l'esprit. C'est dire, Aragon. Alors lui-même. Que dit Sartre, par exemple, au sujet du printemps de Prague? Ah bah, Sartre, il a viré sa cutie en 56. C'est Budapest. Hein. Il a mené un compagnonnage énorme, ce que je raconte dans la saga des intellectuels. J'étais sidéré de voir qu'il avait été quand même le vice-président de l'association France-Urse. Et qu'il a écrit des articles sur l'Union soviétique, pays le plus libre du monde. Bon, mais 56, là, c'est la rupture, mais elle est précédente. Donc il prend position explicitement en faveur du printemps de Prague. Évidemment, ça va de soi. Ça va de soi. Donc là, vous avez quelque chose de très important pour l'évolution intellectuelle et politique en France, c'est que 69, vous avez commencé l'émission par là, commence en janvier par le suicide de cet étudiant sur la place Wenceslas qui est Jan Palach, qui est devenu un héros évidemment national, et climat de désespérance. Pierre Nora se voit arriver dans son bureau Pierre Dex, qui s'est marié avec la fille du couple London, Arthur London. Et Arthur London arrive avec un manuscrit qui s'appelle L'aveu et qui décrit ce qu'est le totalitarisme. Et là, vous avez un manuscrit qui a une force extraordinaire. Pierre Nora dira, C'est un événement éditorial aussi important que le rapport Khrouchtchev, vous imaginez, et contribuera à créditer l'archipel du Goulag en préparant les faits, 74. Et on est là en 69. Enfin, la date de l'office doit être décembre 68. Mmh. Et puis, ça va se rejouer par rapport au grand public en 70 avec l'adaptation de ce livre au cinéma et le fameux film de Costa Gavras, L'aveu. L'aveu où vous avez effectivement Yves Montand, Simone Signoret, qui incarne justement ce rouleau compresseur bureaucratique. Alors on aurait pu écouter un extrait de ce film, mais je vous propose quand même, dernière étape François Doss, il serait dommage de ne pas en parler, parce que justement ce sera l'occasion de reparler de Pierre Nora et le concept que lui-même met en place à ce moment-là d'événements monstrueux, d'événements monstres. Monstre. C'est l'arrivée de l'homme sur la Lune. Armstrong voulait savoir si on l'entendait bien. La réponse est affirmative. On est plus loquace à Houston qu'il faut beaucoup plus de mots à Houston pour dire la même chose que dans la cabine. Les images arrivent, attention. C'est fait. L'image est là, vous entendez la salle de presse de Houston qui applaudit. Pour l'instant, on ne distingue pas grand-chose. Cette image qui paraît assez floue, mais il faut dire qu'il n'y a pas tellement de recul. On aperçoit une fraction du sol lunaire. Je pense que c'est cela. Il y a une zone très claire qui barre une zone d'ombre. Et on voit l'un des pieds du LEM et le haut de l'échelle. L'image a changé maintenant. Elle semble avoir été inversée, ça c'est curieux. Et on voit le pied d'Armstrong qui descend avec beaucoup de précaution vers le barreau suivant. Il faut vraiment savoir qu'il s'agit d'Armstrong, mais tout le monde s'y attend tellement qu'on pourrait identifier n'importe quoi. Je pense qu'il a maintenant descendu la moitié des degrés de l'échelle. Si des types d'événements comme l'invasion de Prague, les conférences de presse politique ou le débarquement sur la Lune nous paraissent irréductiblement liés à l'image et devoir l'être toujours davantage, sans doute faut-il en conclure que la télévision soit assimilable à l'événementialité. Elle fait faire à la démocratie de l'événement un pas décisif. La télévision est à la vie moderne ce qu'était le clocher au village, l'angélus de la civilisation industrielle, porteur d'une parole imprévue. Elle est un média froid, celui qui de tous favorise à domicile et sans effort la plus intense participation. Aux deux sens du mot, l'événement est projeté, jeté dans la vie privée et offert en spectacle. Les masses médias ont ainsi fait de l'histoire une agression et rendu l'événement monstrueux. François Doss, il a fallu des milliers d'années pour aller sur la Lune et il vous faudra 2 minutes pour expliquer en quoi le concept d'événement monstre est mis en place par Pierre Nora à cette occasion. Oui, alors, effectivement, là encore émotion, puisque je faisais partie des 528 millions de téléspectateurs qui, en direct, ont vu cet événement surprenant de l'homme qui marchait sur la Lune. L'événement monstre, c'est évidemment une réflexion sur... l'homme qui marche sur la Lune, mais c'est avant de cela, de la part de Pierre Nora, une réflexion sur, là encore, mai 68. Il se trouve que Pierre Nora habitait au 38 boulevard Saint-Michel en 68 et qu'il s'est passé des choses sur ce boulevard Saint-Michel. Il était aux premières loges et tellement aux premières loges qu'il a invité les reporters de postes périphériques à passer leur flash d'information à partir de son bureau, de son balcon. Et fait extraordinaire là, c'est-à-dire qu'il faut dire le rôle, vous parliez de la télévision, de la radio, là, en 68, et des, non pas de France Inter, mais des postes périphériques qui passaient des flashs d'information toutes les 5-10 minutes et qui donc participaient de l'événement. Et les acteurs de 68 ne cessaient d'écouter, justement, ces postes périphériques. Et la réflexion de l'historien Nora, c'est de se dire que le reporter décrivait ce qu'il voyait de son balcon, mais il le décrit grâce à la radio, grâce à ce support, dans la France, dans l'ensemble du territoire, y compris dans les coins les plus campagnards, les plus reculés, dans lesquels il n'y a pas ces bruits du SAMU, de la police, etc. Et qui, de gens qui vont, y compris dans la Creuse, vibrer avec cet événement. Pourquoi monstre alors ? Alors, monstre, attention, même s'il dit de manière humoristique monstrueux, c'est pas monstrueux au sens du 11 septembre. Là, c'est un événement monstrueux. Non, événement monstre, d'ailleurs, il reprendra ce titre, enfin cet article plus tard, en 1974, dans Faire de l'Histoire, sous le titre « Le retour de l'événement ». Événement monstre parce que, dit-il, tout se donne d'un coup. C'est-à-dire que, voilà, un peu comme la cataracte, on a absolument tout d'un coup, mais dans le brouillard, on ne sait pas trop discerner. On n'a pas le recul. Voilà, le côté monstre, c'est l'absence de recul. Et ce qu'il signifie ici, à juste titre, ça n'a cessé de se développer. Il dit, ça a démarré avec l'affaire Dreyfus, cet événement moderne. La presse, puis la radio, puis la télévision. Aujourd'hui, on dirait évidemment la toile. Et c'est de dire que l'événement est consubstantiel de son support. On ne peut pas analyser un événement aujourd'hui sans analyser comment il a été fabriqué. D'où la fabrique de l'histoire. Ce qui impliquerait feu la fabrique de l'histoire. Ce qui impliquerait une nouvelle émission sur l'événement. On peut en attendant lire votre livre, hein, Renaissance de l'événement, François Doss. Est-ce que vous saviez la chanson qui était numéro 1 du hit parade en France en 1969? C'est pas Gainsbourg. Non, l'année numéro érotique. 1, c'est non. Michel Delpech. Oh. Is white, Dylan is Dylan. White is white, Viva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie. Ils sont arrivés dans l'île nue, sans un bagage et les pieds nus, comme un cyclone inattendu, comme une fleur avant la saison, comme une pluie de papillons à laquelle on n'a jamais cru. Oh, il y avait aussi Les sons entrer le soleil de Julien Clerc ou Que je t'aime, Johnny Hallyday. La prochaine fois, vous pourrez choisir, hein, ah oui. François Doss, en tout cas. Merci. Léo Ferré. Léo, c'est vrai. Bah, alors, merci beaucoup d'être venu nous parler de l'année 69. Merci à vous. Ce matin. Et je renvoie à votre saga des intellectuels français de 1944 à 1989 en deux volumes aux éditions Gallimard. Voilà, c'est une journée où vous aurez Michel Delpech dans la tête jusqu'à ce soir. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes là pour nous rappeler aujourd'hui que c'est aussi un jour de deuil national. En hommage à Jacques Chirac. Et oui, depuis jeudi, jour où l'on a appris sa disparition, on a eu droit à toutes les formes d'hommage en son honneur. Meilleur discours, engagement fort, bêtisier, témoignage de ses fans, rappel de son amour de la tête de veau. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'un président de la République s'éteint, notamment quand il a réussi le tour de force d'être encore plus apprécié après ses mandats. Si je me souviens bien de mes vagues souvenirs d'étudiante apolitisée, Jacques Chirac a regagné en popularité au moment même où Nicolas Sarkozy, alors élu, commençait à lasser avec son style trop cash. On a commencé à regretter le bon vieux temps, à le rendre cool, attractif, le fameux « c'était mieux avant ». C'est un peu ce à quoi on a assisté ces derniers jours, nos adieux à cet ancien monde qu'on pensait encore vivant. D'où ma question aujourd'hui, comment se fabrique un tel deuil? Saura-t-on lui dire adieu? Dix Dire adieu à un tel monde, c'est déjà dire adieu à un tel univers, au moins sonore. C'est dire adieu à une époque où l'accent n'était pas mis sur la société civile, l'au-delà gauche-droite, mais sur un homme, la nation, la droite, envers et contre tout. C'est donc dire adieu à un temps que l'on savait dépasser, mais pas encore mort. Avec le décès de Jacques Chirac, j'ai l'impression que, pour le coup, c'est réalisé la perte définitive de ce monde. Et clairement apparu que l'on devait en faire notre deuil. Mais que peut bien signifier faire le deuil d'un monde et pas que d'une personne ? Comment entrer dans un processus actif pour surmonter la tristesse de la perte, telle que l'indique la définition du deuil, quand elle concerne un monde, c'est-à-dire une ambiance, des mœurs, l'histoire dont on a soi-même fait partie. Le président Jacques Chirac nous a quittés ce matin. Nous, Français, perdons un homme d'État que nous aimions autant qu'il nous aimait. Plus de 40 années de vie politique avaient fait de Jacques Chirac un visage familier. Jeudi 20h, Emmanuel Macron rend hommage à Jacques Chirac. Je voudrais d'abord vous dire que ce soir, j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Jacques Chirac était, je ne sais pas trouver les mots, plus qu'un ami. Pas tout à fait un père. 20h10, émotion d'Alain Juppé. Je dois le dire, là j'ai été touchée, j'ai même versé ma petite larme. Jusqu'ici, je prenais acte de l'annonce, je suivais les réactions, je cherchais les photos les plus cool de Chirac, comme tout le monde. J'écoutais sa chanson de campagne de 81, et puis est venue l'émotion. J'ai regardé les différentes étapes du deuil. Il y en a trois si je résume. D'abord, le choc et les émotions fortes. Sidération, déni, colère. Ensuite, la dépression. Tristesse, démobilisation, abattement. Et enfin, la remontée de la pente. Eh bien, je dois vous dire, je n'ai rien vécu de tel avec la disparition de Jacques Chirac, c'était même tout le contraire. Je dirais plutôt qu'il y a eu un, l'annonce qui n'avait rien d'un choc, mais plutôt tout de la prise de conscience, ah, ça y est, on y est. Deux, la nostalgie, le rappel positif de tout ce qui était plaisant, des moments classe, forts de ce qui était donc mieux avant. Et trois, le ressouvenir négatif, les affaires, le bruit et l'odeur, cette politique sécuritaire et anti-migration encore si actuelle. Savez-vous, monsieur Fabius, et permettez au maire de Paris de le dire, moi, tous les jours, je reçois des dizaines et dizaines de lettres angoissées de gens qui sont agressés. Pas naturellement, obligatoirement, par des étrangers. Mais 42% des délinquants interpellés à Paris sont des étrangers. De même qu'un tiers ou presque des prisonniers en France sont des étrangers. De même que 75% de ceux qui sont interpellés pour trafic de drogue sont des étrangers. Eh bien, ces étrangers, monsieur Fabius, il faut les expulser immédiatement et les remettre entre les mains de la police de leur pays d'origine. Avec le décès de Jacques Chirac, comme dans un mouvement dialectique, j'ai donc vécu le bon, le mauvais, il faut désormais tout dépasser. Ça n'a pas de sens de dire que c'était mieux avant ou que c'était pire. En écoutant cet échange de Chirac avec Fabius qui date quand même de 1985, on voit surtout que ça n'a pas beaucoup changé. L'ancien monde n'a pas disparu, il est toujours là, il n'y a pas eu de révolution. Pourquoi alors quand même cette impression de perte si rien n'a été perdu ? Eh bien j'ai deux réponses. D'abord le fait que quelqu'un a bien été perdu. Dans un monde comme la politique où on voit les mêmes têtes depuis des années, en perdre une nous révèle le dépaysement et le renouvellement définitif, au moins en apparence, de notre espace public. Et ensuite, et c'est beaucoup plus paradoxal, il y a ce sentiment de perte au présent, du présent lui-même. Rien n'a été perdu, mais tout s'est transformé. D'où le problème. Peut-on s'enthousiasmer de la nouveauté ? Est-elle foncièrement possible ? Avoir la pluie d'hommages pour Jacques Chirac, on préfère voir ce qui manque, ce qui est manifestement fini, que les possibilités prodigieuses que le manque permet aujourd'hui. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda avec Manon de la Selle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jean-Frédéric, c'est à la lecture des textes Vincent Schmitt. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de l'année 1969 et ses conséquences en philosophie. Demain, nous parlerons de la mort de Théodore Adorno, qui meurt donc en 69, la mort d'un anti-moderne. Ce sera la philosophe Agnès Guéraud qui viendra nous en parler à ce micro. D'ici là, pour écouter cette émission avec François Doss, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et avec qui vous voulez, évidemment. Hein. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. L'équipe des Chemins de la Philosophie anime un compte sur chacun de ces réseaux. On attend vos remarques et vos commentaires. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.